tendrement enlacés, couchés sur la chaussée. Il ne faut surtout pas bouger et ne pas s'inquiéter. Si tout ce monde est agité à tenter de nous ramener, nous nous sentons si près et nos bras écartés. J'ai pris la tôle froissée en plein dans la caboche. Je ne peux plus marcher, nous nous sentons si proches. Et quand les drogues nous envahissent, nous nous sentons si libérés. Pour en garder le bénéfice, je m'en remets. Tendrement enlacé, couché sur le côté, il ne faut surtout pas rêver. Si tout ce monde est agité à tenter de nous ramener, nous nous sentons si près de nos bras écartés. Tendrement enlacés, couchés sur la chaussée, il ne faut surtout pas bouger et ne pas s'inquiéter. Si tout ce monde est agité à tenter de nous ramener, nous nous sentons si près. Sentons si proches, et quand les drogues nous envahissent, nous nous sentons si libérés pour en garder le bénéfice. Je m'en remets.